cours numéro 12. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخذنا في درسنا الأخير بابين on a étudié ensemble dans le درس précédent deux chapitres من يقرأ الأول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن الغير إليه لعن الله من آل المحرفين لعن الله من آل المحرفين دخل الجنة رجل من ذبح ودخل النار رجل من ذبح وقال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه حتى يقرب له شيئا فقال الأخذ قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب الذبابة فقرب الذبابة فقرب سبيله دخل النار وقالوا لآخر قرب قال ما كنت أقرب لأحد شيء من الله عز وجل فضرب المقال أحسنت هذا الباب ما جاء في الذبح لغير الله شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكره لماذا في هذا الكتاب كتاب التوحيد تفضل ذكرنا هذا الباب لأن هذا أنواع الشرك ويبين التوحيد لهذا نعم لأن الذبح لغير الله شرك لماذا؟ لأن الذبح عبادة تقدمت معنا كثيرا قاعدة مهمة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك قاعدة مهمة في التوحيد فإذا ثبت أن هذا الشيء عبادة مثلا هنا الذبح Le sacrifice, fa sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la shak wa la raib, annahu c'est min al-shirk. Limaada li anna al-ibada, c'est haqqullah, comme on a vu dans les premiers durus, wa lillahi l'hamd. Thumma, dhakara baban akhar, qui est lié à celui qu'on vient de réviser, man yaqra. أحسنت فمناسبة هذا الباب هنا أي بوركوا شيخ الإسلام إلى سيتي هذا الباب هنا عندما تفضل نعم ما هو الوسيلة قلت لي هذا وسيلة سكوا هذا يشبه في مكان الذبح في مكان المشركين نعم أي أن هذا الباب الشيخ الإسلام نبه به أن ولو كان الذبح لله عز وجل même si on sacrifie pour Allah سبحانه وتعالى On n'a pas le droit de sacrifier dans un endroit qui est réservé à ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah Azza wa Jal, et al-mushrikoun. Et on a vu le kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, kalam mouvid, il a cité trois points Pourquoi il faut éviter hada? عندما الأول تفضل أنه تشبه بالكفار والتشبه بالكفار بالمشركين لا يجوز التشبه بالذين يعبدون غير الله سيبابيون هذا أولا sacrifier dans cet endroit c'est le ressembler ولو en apparence même si النية c'est pas la même لأن الموحد إلى النية والمشرك إلى نوتخ نية لكن ressembler au mushrikoun c'est interdit dans l'intention et كذلك dans l'apparence. Zed al-Thani لماذا من رأيك ممكن من رأيك أن تذبحه في مكان المشركين نعم ممكن أن يظن أن هذا فعل المشركين جائز نعم أحسنت الاغترار بهذا الفعل فربما في واحد يسكرفي ولو سي سي بور الله عز وجل لكن dans cet endroit الذي فيه شرك فبتتر كو واحد سيغتر يبقى penser que c'est permis لأن فلان كذلك il le fait ولو سي cette personne son intention c'est pas un shirk lakin il y a une ressemblance et ça peut pousser à une ambiguïté et hada c'est muharram lihada notre din il nous a interdit certaines choses et Allah azza wa jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam et كذلك dans certains domaines la porte elle a été fermée limada pour pas tomber fi al haram كذلك le troisième mada dakar تفضل أحسن تقوية المشركين في هذا الفعل أي سأغمنت النمبر de هؤلاء الضلال et المسلم il n'a pas le droit d'augmenter le nombre et participer ولو même s'il n'est pas d'accord لكن le fait d'être présent ça augmente le nombre de هؤلاء والناس يغترون فهذا لا يجوز المسلم il a le droit dans un cas الحضور في هذه الأماكن التي فيها معاصي أو شركيات أو بدع خرافات سمن باب الإنكار celui qui a la قوة العلمية والثبات il est capable لا يخاف على نفسه من الشبه والفتن إلى آخره أي إلى القدرة هذا يجوز له de montrer الحق et de mettre en garde contre le mal وإلا فلا يجوز Et celui qui veut mettre en garde, il n'a pas besoin de sacrifier mitla haoula. Falihada, le fait de sacrifier, ça ne rentre pas dans cette surah. Un mawahid qui se rend dans cet endroit pour faire al-amr bil ma'ruf, ou nahi ani munkar, montrer le tawhid, mettre en garde contre le shirk, il n'a pas besoin de sacrifier. Bel, yatakallam, mais il montre bi'ilm, bil-hujaj, avec les preuves. Ces deux chapitres, ils sont très très importants. Qala. المؤلف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله une autre عبادة النذر دائما نتقاعدة أن إذا ثبت أن النذر سمن عبادة فصرفها لغير الله عز وجل سمن الشرك النذر il traduit par vœu faire un vœu لكن لابد من تعريف أوضح pour comprendre هذا الباب أولا نسيت المناسبة قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب انتهى من المرخص الشيخ الإسلام رحمه الله إلى سيتي هذا الباب pour montrer أن Faire un nadr pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est min al-shirk. Limada, li'anna al-nadr, c'est une ibadah. Ta'rif al-nadr, l'ouratan c'est l'ijab, ça vient de al-wujub, al-wajib, quelque chose d'obligatoire. Hada, fil l'ouga. Amma ce qui nous intéresse, huna, c'est ta'rif shor'an, wa huwa ijab, shay'in ala al-nafs, lam yakun wajiban, isma'u al-dars. À la fin du kitab, celui qui a besoin du tarif, on le recopiera ensemble. Al-an isma'u, on écrit et On explique. إجاب شيء على النفس لم يكن واجبا. Vous avez vu le lien entre التعريف الشرعي واللغوي. النذر, c'est se rendre obligatoire une chose qui n'est pas obligatoire à la base. إجاب شيء على النفس لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور به. C'est pour ça que c'est une ibadah, لأن فيها تعظيم. Donc un nadr, on peut donner un mythal, c'est واحد, il se rend obligatoire une chose à la base, elle n'est pas obligatoire. لكن il fait un vœu, لماذا؟ لأنه يعظم. مثلا si il fait un vœu لله, لأنه يعظم الله سبحانه وتعالى, فيقول لله علي صيام يوم في سبيل الله. S'il fait ce vœu, il prononce annahu alayya siyam yawm, et je dois faire un jeûne, et ça n'y a, c'est un vœu, un jour, ce jour il est obligatoire. Alors qu'à la base, ce qui est obligatoire dans le siyam, c'est Ramadan. Siyam shahr Ramadan, ou le qada. Amma ghayr dhalik, c'est pas obligatoire. Fa hadha shakh, s'il fait ce vœu, ça devient obligatoire. Wa nadhru ala qismayn. Il y a deux cas. Et ils sont importants pour comprendre al-hukm. Min hayth, est-ce que c'est permis amla? On a fait nadr, on a fait n'am al-nadr lillah azza wa jal. Amma shirk sayati ma'ana, c'est du shirk, c'est haram. Amma hatta al-nadr lillah, fa ba'd al-ulama yaqulun annahu c'est makruh, bal ba'd al-ulama harramuh. Isma' hadha al-taqsim. Al-awwal, al-nadr lillah, ça se divise en deux catégories. Mutlaq. فمثلا l'exemple qu'on a donné, لله علي صوم يوما في سبيل الله أو لله عز وجل, فهذا ça devient obligatoire pour lui de faire هذا الصيام. Et l'accomplissement de ce صيام c'est une عبادة. مفهوم هذا il est مطلق. Et il n'y a pas de condition. Le deuxième, نذر مقيد, avec une condition. مثلا واحد يقول لله علي صيام شهر, si Allah subhanahu wa ta'ala il guérit mon enfant, ça c'est muqayyad. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il guérit mon enfant, je fais un mois de jeûne, ce mois il devient obligatoire. هذا بعض العلماء يقولون أنه il est haram وأقل ما فيه, c'est qu'il est makruh, vaut mieux délaisser. Les deux cas, لماذا وسيأتي معنا كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه, لماذا؟ لأن في الحقيقة الإنسان اللي في عافية اللي في خير, فpourquoi te rendre obligatoire أخي الكريم une chose qui n'est pas obligatoire. فالموفق c'est celui qui fait des efforts ولله الحمد sans se rendre obligatoire. لأن كم من الناس ils font des vœux, et comme on l'a répété souvent à nos frères, on a celui qui écoute les fatawa de أهل العلم في هذا الباب, tu trouveras أن كثيرا من الناس regrettent. فلهذا بعضهم يتلفنوا مشايخ ويقولون يا شيخ j'ai fait un vœu مثلا d'aller à Mecca à pied, si Allah سبحانه وتعالى il me guérit ou guérit mon enfant, je fais le hajj à pied, et Allah سبحانه وتعالى il a guéri son enfant, فهذا الفعل il est واجب عليه. فلماذا هذه المشقة, pourquoi se mettre dans l'embarras? بل الموفق il demande à Allah سبحانه وتعالى الشفاء, وإذا شفاه الله سبحانه وتعالى يشكر. Il est reconnaissant. S'il veut le siyam, s'il veut une sadaqa, il yastaqim ila akhirah. Si il est éprouvé et il n'est pas guéri, fayasbir. Il sait que Allah سبحانه وتعالى il a une hikma, wa yahmad Allah سبحانه وتعالى ala kulli hal. Mais s'imposer, هذا c'est pas طيب. مفهوم هذا. الآن on lit كلام شيخ ابن عثيمين. واعلم قال رحمة الله عليه في القول المفيد أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة, وإنما يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ما معنى هذا الكلام؟ أن بعض الناس ربما يفعل بدون يدل عقلا في سبيل الله, لكن si il fait un vœu, même s'il a fait, il est obligé de donner, pas parce qu'il le souhaite, là, لأنه il a fait un vœu et c'est obligatoire. وهذا لا ينبغي. Celui qui donne, il doit donner بطيبة نفس, et avec une bonne niya. والبخل c'est une très mauvaise caractéristique, أي l'avarice, البخل, être avare. فقال الشيخ ابن عثيمين ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن il faut bien comprendre une مسألة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من حيث الابتداء به. Le fait de faire le vœu, c'est منهي عنه. بعض العلماء يقول c'est حرام وبعض العلماء يقول c'est مكروه. بعض العلماء يفصل entre المقيد والمطلق. لا شك أن avec une condition c'est plus grave كما سيأتي. على كل حال il faut bien comprendre هنا deux points. Un Nabi sallam naha an, est le fait de le commencer, de le dire. Amma celui qui l'a dit, qui a prononcé ce vœu, c'est wajib alayhi de l'appliquer. Et cette application, c'est une ibada. Wa Cheikh Ibn Uthaymeen sayunabbih ala hadha. Qalu wa ba'd al-ulama yuharrimuh. Wa ilayhi yamil Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah linnahi an. Wa kadhalik ba'd al-ulama al-akharin. قال ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم. إن فزادي أن كثير من الناس يبوز دي كيستيون كومون فير وبعضهم يفون دي attention دي vœux très très compliqués أنه يدوى جوني أن أن أو سي موا أو دو موا هذا لا شك أن فيه مشقة. Et celui qui le fait, il doit accomplir ce vœu. Thomas, on ne va pas rentrer dans les masa'il de fiqh, s'il ne peut pas, ou s'il regrette, est-ce que le vœu pour l'annuler, c'est comme al-yamin, kafarat al-yamin, ça c'est des masa'il fil fiqh qu'on ne détaillera pas. Ala kulli hal, l'insan il est fi salama, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, il nous a rendu des choses obligatoires, et il nous a rendu d'autres choses recommandées, les hikmatihi, et les dha'vina, fala yambari, annana on s'impose au-dessus de nos capacités. لكن بعض الناس quand ils sont tristes, quand ils sont éprouvés, probablement ils sont affectés, ils sont touchés par les sentiments et tellement qu'ils sont fatigués, probablement ils font ce genre de vœux. Anna si Allah subhanahu wa ta'ala il me guérit, je fais telle chose. Est-ce que en haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de ta ibada? C'est pour ça que بعض الناس ils font beaucoup, que Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin. Tu n'as pas besoin de faire un an de siyam ou six mois de telle chose pour qu'Allah guérit ton fils ou il te guérit ou autre chose. Là, demande Allah subhanahu wa ta'ala, Allah karim, aham shay ilzam sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de faire ce genre de vœux. Khasatan al-ikthar, khasatan avec un qaid, et avec une condition. هذا لا ينبغي. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وفي هذا سوء الظن بالله عز وجل والقول بالتحريم قول وجيه خاصة إلى بخصيزي المقيد. نعم أنه في سوء الظن بالله هذا الشخص كم سيلا الموفيس بانسي انفر الله اي جو سو اوبليجي دو فير un mois de siyam pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit mon enfant. هذا سوء الظن بالله. Allah subhanahu wa ta'ala karimun, rahimun. On n'a pas besoin de mettre ces conditions et de se mettre dans l'embarras. Khasatan ba'd an-nas yafun hadha an-nadr. Thumma la niyya est mauvaise. Et il ne veut pas faire le mois de siyam. Ça devient lourd. Et il est forcé, il le fait parce que c'est obligatoire. Lakin il ne le fait pas bi mahabbatin wa raha. La. Hadha c'est pas tayyib. لهذا شيخ ابن عثيمين قال القول بالتحريم لوجيه أي لقريب فكأن شيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا dans cette explication كأنه يpenche vers هذا القول أي أنه c'est حرام de le faire خاصة المقيد. ثم إلى سيد الإشكال qu'on a cité قال رحمة الله عليه فإن قيل كيف تحرمونه et بعض العلماء يديس que c'est مكروه. Il y a des ulama qui disent que c'est haram. À la kulli hal, que ce soit haram ou makruh, comment dire que c'est haram ou makruh? On a des adillah qu'on lira ensemble. قال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا. فكيف الله سبحانه وتعالى قال يوفون من نذر si c'est محرم. Alors que هذا استعيس من باب الثناء. C'est pour complimenter هؤلاء المؤمنين. فكيف ils vont être complimentés dans une chose de haram? C'est ça l'ishkal. قال شيخ العثيمين فالجواب أننا لا نقول إن الوفاء هو المحرم حتى يقال إننا هدمنا النص وإنما نقول المحرم والمكروه كراهة شديدا هو عقد النذر أي le fait de le prononcer, de commencer Mais une fois que tu l'as fait, faut accomplir ce vœu, c'est une ibada. لماذا لأنه الصيام أو العمرة أو الحج etc. فهذا لا شك أنه من العبادة et l'accomplir c'est واجب. Et à la كل حال on répète أن الإنسان il est في عافية فإيه s'écarte de هذا. فأنت مثلا si t'es motivé وتريد أن تشكر الله عز وجل pas besoin de faire un vœu. مثلا tu es motivé, tu veux faire une عمرة. لماذا لأن الحمد لله tu as eu une ni'ma ou t'es motivé, muhim, une raison tayyiba. Pas besoin de faire un vœu. Fais l'umra. Si tu as un empêchement, alhamdoulilah, ce n'est pas obligatoire. Amma, si tu fais le vœu, il devient obligatoire. Si tu as un empêchement, tu es obligé de la faire. Si tu ne peux pas ce mois, un autre mois, wa hakada. Donc, ça c'était quelques fawa'id fin nadr. Wa illa, on revient à notre sujet l'an. On ne détaillera plus. Est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est muharram? Là, on va accentuer sur le fait que le nadr c'est une ibada. Et accomplir ce vœu c'est une ibada. Celui qui accomplit ce vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait un vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, waqa'a fi shirk, ayyadan billah. Qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawlillahi ta'ala yufuna bin nadr. ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد مناسبة الآية للباب أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر الموفون ça vient de الوفاء أي ceux qui accomplissent النذر قال ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوب له جل وعلا سن عبادة le fait de l'accomplir. قال وأنه مشروع وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شركا أكبر. C'est toujours la même chose. أنه si إذا ثبت أن هذا الشيء c'est une عبادة l'accomplir pour autre qu'Allah c'est du shirk. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قال العلامة الشيخ صالح الفوزان pour montrer المناسبة pourquoi شيخ الإسلام il a cité هذه الآية هنا وجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة والنفقة في سبيل الله طاعة فدل أن النذر طاعة أي الوفاء به أي الفت de l'accomplir لماذا لأن الله سبحانه وتعالى il a cité deux choses dans ce verset النفقة والنذر النفقة سيون عبادة كذلك الوفاء بالنذر سيون عبادة قال الوجه الثاني قوله فإن الله يعلمه وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر فدل على أنه طاعة وإذا كان النذر طاعة فصرفه لغير الله شرك si tu as compris هذا أن الوفاء بالنذر سيون طاعة le faire pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Allez, هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله من الشرك النذر لغير الله. ثم il te montre avec des adillah أن النذر c'est une عبادة. Donc accomplir cette عبادة pour autre qu'Allah, c'est du shirk. C'est du shirk بالله عز وجل. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحديث نعم إلى صحيح في الصحيحين قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص المناسبة أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية فدل على أنه عبادة فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته دائما لا يمشوث أن هذا الحديث يدمونخ أن النذر سين طاعة سين عبادة فأكمبلير ست عبادة فأترك الله c'est du shirk. هذا الباب il est سهل واستفدنا منه certaines فوائد في النذر والخلاصة أن النذر il vaut mieux le délaisser بل بعض العلماء disent il faut le délaisser et le fait de faire le vœu لكن celui qui a fait ce vœu il doit l'accomplir نعم et vu que c'est une ibadah فأكمبلير cette ibadah pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala لا شك أنه سيد الشرك قال الشيخ البوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد: على كل حال، تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. سأصل لا conclusion. Si النذر من عبادة فأكمل صدق عبادة أترك الله سد الشرك. قال عز وجل: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال: فما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمخرفون من هذه النذور التي تقدم للقبور وتقدم للجن والشياطين وحتى للأولياء والصالحين أنها عبادة لغير الله عز وجل؟ هذا يحصل كثيرا، أن البعض عياذا بالله ممن تأثر بالمشركين بالخرافيين أنه سي إلى أن بخبلم إما إن مالادي إما إن إبخاب. On ne va pas répéter d'aïman, ya ikhwa. C'est pour votre bien. Ma'ana, c'est la même chose, falhaqiqa. C'est pour votre bien. Isma'u d'dars. Hada le kalam, le jour où tu le voudras, ça nous a'tik al-mardi' bis-safha, avec la page. Tarji' ilayhi, tu le notes, ahsan, amma l'an. Le fait de copier pendant d'dars, limada, al-ulama, yunabbihun d'aïman an hada, fil jalasa. Awulan, tu vas copier, tu ne vas pas écouter. Tu ne peux pas faire deux choses en même temps. L'un, si je demande à celui qui écrit qu'est-ce que j'ai dit, c'est normal, il écrit, il doit se concentrer sur ce qu'il écrit. Et il ne peut pas faire deux choses en même temps. Si tu écris, tu écris mal. Vous écrivez avec précipitation. Vous écrivez avec précipitation, tu veux écouter, tu veux écrire. Et comme mes ikhwan, ils ont recopié des choses dans certains doros très rapidement, ce n'est pas le kalam du shir, ni du mudarris. Et ça implique un mal énorme. Mais tu prends le temps quand tu rentres chez toi, alhamdoulilah, l'an a des shuruhat, mufra. Celui qui les a pas en livre, alhamdoulilah, elles sont propagées sur internet, walillahi l'hamd. Et tu prends la safha, si tu veux la faïda, et tu recopies, ça te fait réviser le cours. Je vous le dis, je vous le répète, tout ce qu'on dit, alhamdulillah, c'est maujoud fi le kitab de Cheikh Saadi. Et certaines fawaïd, comme ce qu'on vient de citer fi le nadr, tu prends le mardi al-qawl al-mufid, celui qui a le qawl al-mufid, il revient bab al-nadr, et au départ, tu trouveras exactement le kalam que j'ai lu. Dans ton daftar, tu recopies très proprement, et alhamdulillah, kalam clair. Et tu mets le marji, telle page de ton livre, alhamdulillah. Le jour de la révision, tu es prêt. Amma hadha, kathir min al-ikhwan, il se précipite à copier, et quand il rentre chez eux, vu qu'il pense qu'il a recopié, il fait plus cet effort. Il fait le haqiqa, rabbama, ma adhan qu'il a tout recopié, motamo. Khassatan, kathir min al-ikhwan, il ne maîtrise pas encore l'écriture et la langue arabe. كذلك un autre tambih, entabihu, de ne pas vous précipiter à traduire mid la hadha al-kalam. Je traduis pas tout, et c'est volontaire. Hatta on progresse dans la langue arabe, on n'a pas besoin de tout traduire. Lakin entabihu, quand je lis kalam matalan Cheikh Mohamed ibn Uthaymeen, et enta tu traduis, et robama tu n'as pas encore la capacité de traduire, ou tu n'as pas tout compris le kalam, et tu dis Cheikh Mohamed ibn Uthaymeen a dit, et tu écris un kalam en français, et robama هذا الكلام c'est ta traduction à toi, et si on compare, c'est pas kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Fantabihu li hada. C'est pour ça la meilleure méthode, c'est d'écouter le dars et alhamdoulillah de comprendre kalam Cheikh Saadi qu'on va lire. Ces fawaid walillah alhamd, elles sont très simples, et imma tu les recopies quand tu rentres chez toi, imma tu te suffis de kalam Cheikh Saadi pour l'instant, et inshallah dès que tu auras la capacité, dès que tu auras progressé en arabe, tu liras shuruhat ahli al-ilm. Et tu te feras un daftar. Chaque bab, tu lis les shuruhat et tu mets les fawa'id. قال شيخ الفوزان قال شيخ ابن عثيمين قال الإمام عبد الرحمن بن حسن وهكذا. طيب حتى on répète pas هذا دائما. كلام شيخ الفوزان نعم. قال فما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمخرفون من هذه النذور التي تقدم للقبور إلى آخره. Le kalam qu'on avait lu, anna al-ba'd na'am annahum idha btulu bi shay min marad ou autre, ou une perte d'argent, ou la ou muhim de mashakil, annahum 'iyadan billah, ils font un vœu pour le wali. Alors, si mon enfant il est guéri, je sacrifie une bête dans le mausolée de Fulan. Si son enfant il est guéri, si c'est pour le qabr, c'est du shirk, comme on l'a vu dans le bête précédent. Et Kadalik, ce vœu, s'il fait le vœu, il fait cette chose pour se rapprocher de, du wali, même si c'est un salih, c'est du shirk. Tu trouves beaucoup de choses, des bêtes, des objets de valeur, de l'or, de l'argent, c'est les vœux que Wa'd al-Juhal ils ont fait. Et tout ça, c'est al-Jahl bi tawhid al-Anbiya wal-Mursaleen. Qala, هذه النذور باطلة ولا يجوز الوفاء بها. أما si c'est un nadr shirki ou une ma'siya, فتقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. Si c'est une ma'siya, on n'a pas le droit de l'accomplir. Et كذلك, si c'est pour autre qu'Allah, on n'a pas le droit. C'est du shirk. قال فإن وفى بها ونفذها صار مشركا بالله شركا أكبر ويجب عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد. أما نعم celui qui عياذا بالله qui accomplit ce nadr pour autre qu'Allah عز وجل, que ce soit un sacrifice ou autre, هذا il est sorti de l'islam, c'est du shirk akbar. هذا يجب عليه de faire tawba et de rentrer في الإسلام من جديد. لماذا؟ لأن بهذا الفعل il est sorti من الإسلام. أما الوفاء به فلا شك أنه سحر أي d'accomplir ce shirk. قال شيخ فوزان فالمسألة خطيرة جدا. صحيح, celui qui connaît هذه الأدلة, qui connaît la gravité du shirk et qui connaît التوحيد, فلا شك أنه il saura أن le sujet il est très très très grave. هذا باب النذر. شيخ السعدي رحمه الله il a cité هنا. C'est pour ça qu'on n'a pas lu son shirk. Léana, vous avez remarqué, il a cité trois babs. Le bab qu'on vient de lire, al-nadr, thumma le suivant, min al-shirk al-isti'adatu bi ghayrillah, qu'on va essayer de lire l'an, incha'Allah ta'ala. Thumma il a cité un troisième bab. Bab min al-shirk an yastaghitha bi ghayrillah, ou yad'u ghayra. Ces trois babs, ils se ressemblent. Falihada, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, il les a cités ensemble. On a lu Bab al-Nadr, on essaye de finir dans ce dars Bab min al-shirk al-isti'adha bi ghayrillah, thumma inshallah ta'ala le prochain dars jeudi on lira Bab min al-shirk an yastaghith bi ghayrillah et on lira Sharh Sheikh Sa'di rahimahullah pour nous résumer tout ce qu'on a vu et ces trois abwab. Qala al-mu'allif rahimahullah Bab min al-shirk الاستعادة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الباب شيخ الإسلام il a cité une autre عبادة وهي الاستعادة. C'est pour ça que c'est le même حكم que le nadr. Qui c'est qui nous cite مناسبة الباب? Arrivé à ce stade, on est au 12e باب. Normalement, on peut inciter. Pourquoi Cheikh al-Islam il a cité هذا الباب? تفضل. نعم. من خصائص الله أي؟ ذكرنا أن العبادة من خصائص الله. أحسنت. أن العبادة من خصائص الله. فصرفها أي صرف هذه العبادة. صرفها لمن؟ فصرفها لغير الله شرك. أحسنت. Si on est d'accord أن الاستعادة c'est une عبادة, et Cheikh al-Islam il a cité des preuves pour prouver هذا, accomplir cette عبادة pour autre qu'Allah c'est du shirk. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان في الملخص أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب كما تقدم. باقي تعريف الاستعاذة pour comprendre هذا الباب. لأن on sait que الاستعاذة c'est une عبادة et elle est citée كثيرا في القرآن. ce qui connaît un verset via al-isti'adha, tafadhal. أحسنت قل أعوذ برب الفلق وقول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس فهذا هذا اللفظ استعاذة بالله من شر الناس si on prend سورة الناس quand tu dis قل أعوذ برب الناس أي tu demandes à الله سبحانه وتعالى رب الناس c'est رب الناس قل أعوذ برب الناس إلى آخر قل أعوذ برب الفلق كم من أدلة تعلمون أنا الاستعاذة معناها on peut citer un تعريف de ابن القيم رحمه الله كثير من العلماء يسيت un تعريف ça se ressemble قال وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه تعريف مختصر جميل Al-harab, vous connaissez le mot peut-être al-hurub, est se sauver, fuir d'une chose qui peut te faire du mal vers celui qui peut te protéger. Qui c'est qui peut protéger? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-isti'adha, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve contre un mal. Qul a'udhu bi rabbin nas. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Min sharri al-waswas al-khannas. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve contre quoi? Contre shar al-waswas al-khannas. Contre shar al-shaytan. Wa junud al-shaytan. Qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Min sharri ma khalaq. Tu demandes à Allah qui te protège contre quoi? Contre les mauvaises choses, les mauvaises personnes. Donc, hada c'est haqqun lillah. Celui qui demande protection يستعيذ بغير الله عز وجل c'est du shirk لكن on va voir qu'il y a un tafsil à faire il y en a certaines choses une personne elle peut t'aider مثلاً واحد il veut te faire du mal et anta tu demandes à واحد de t'aider et il peut t'aider on verra que هذا c'est pas du shirk حكم الاستعادة et c'est ça حكم الباب et c'est important on résume كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه Plusieurs cas, al-ulama ils ont cité. Deux cas. Al-awwal, c'est du shirk akbar. C'est ce qu'on vient de voir. Iza kanat al-isti'adha fi shay, la yaqdir alayhi illa Allah, fa demander à autre qu'Allah, c'est du shirk. Matalan, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège contre les al-jinn, al-shayatin, qui nous font du mal ila akhir. Est-ce qu'un être humain peut te préserver contre un là? L'être humain, il voit pas ce shaytan, il sait pas où qu'il est, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allamul ghuyub, il voit tout, il sait tout, il connaît tout, azza wa jalla. Il est capable de tout. Donc, demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, c'est du shirk akbar. Deuxième cas, idha kanat al-isti'adha, fi shay, yaqdir alayhi al-makhluq, fa ja'izun bi thalathati shuru. Deuxième cas, isti'adha dans une chose, Et al-makhluq, il est capable. Matalan, ton voisin, tu as un problème chez toi, une chose grave, et tu lui demandes de l'aide. C'est permis si trois conditions sont réunies. La première, an yakun hayyan, bien sûr. Amma tasawwur anta. Wahed, il y a le feu chez lui. Fayasta'idhu bi... الولي عيادا بالله الولي السيد فلان il est mort ربما le siècle dernier او avant فواحد يدمند يا فلان عيادا بالله هذا الشرك اكبر لماذا لانه يدمند protection à un مخلوق dans une chose qu'il n'est pas capable اما s'il est vivant son voisin c'est autre chose bien sûr avec les deux autres conditions la deuxième ان يكون قادرا اي qu'il soit vivant la première et la deuxième qu'il soit capable Elle m'a demandé à un makhlouq et il n'est pas capable. Pourquoi lui demander s'il n'est pas capable? Celui qui est capable de tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fahoua, s'il n'est pas capable dans ce point, on n'a pas le droit de lui demander. Celui qui lui demande, il a une aqida, il peut. Mathalan, si on revient à l'exemple du mort. Est-ce qu'un mort, il est capable d'aider? Abadan. Awalan, il est mort. Thanian, il n'est pas capable. Il est madfoun, il est enterré. Troisième, أن يكون نعم حيا قادرا حاضرا حاضرا اي كيل سوا بريزون. اما واحد اللي شيلوي اي مثلا سا ميزون ال بروي لا بوزوان داد فاي كري لو نون دو واحد اي لي دون ان اوتر بي عيدا بالله. هذا الشرك. لماذا؟ لان سي لابل سيت اوم اي سيت اوم اي دون ان اوتر بي اي يل ابل فكانه يكرو انه اي كابابل دو ليدي. وهذا لا يجوز. سا سي الله سبحانه وتعالى كي كابابل de tout. Mais le Bachar, s'il n'est pas présent, il n'est pas capable. On n'a pas besoin de lui demander d'aide. On récapitule. Si il est vivant, capable et présent, إذا كان حيا قادرا حاضرا ففي هذا الحال c'est pas du shirk. يجوز. خاصة si l'insan il est vichide dans une chose ربما يهلك. Chez lui, il y a le feu. أو إلى dans une situation في ضرورة في حالة ربما يهلك فلا شك أن في هذا الحال سي مشروع أنه يدمغ من حي سي سبب با أنه سي هذا الشيء كي سي هذا الشخص يتصرف في الكون أبدا. الناس الحمد لله يسون با على هذا أنه كنت يدمغ في هذا الحال أنه سي سبب ففي هذا الحال سي جائز. قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه وهذه الترجمة ليست على إطلاقها لأنه إذا استعاذ بالشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة. يوم يرى إن شاء الله ست مسألة كذلك دون الاستعانة. فهذا donc c'est pas du shirk s'il est présent capable et حاضر et vivant. قال المؤلف رحمه الله donc cette مقدمة très simple الاستعاذة un تعريف ثم الحكم c'est du shirk أكبر أو c'est quelque chose de mubah, de permis. Thumma il a cité des adillah pour montrer annahu sarfuha li ghayrillah fi ma la yaqdar alayhi illa Allah, c'est du shirk. Qala wa qawlullahi ta'ala innahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jin fazaduhum rahqa. Ay ba'd ar-rijal min al-ins il demandait protection à des djinn. Fa hada c'est du shirk. Demander protection à un djinn. Léana, le djinn, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas ce qu'il est capable. Il est akhari, fala yajouz. Amma, un être humain qui est vivant, qui est capable, qui est présent, et tu lui demandes, khasatan insan, il est fait darura, fahada, inshallah, la shayya fi. Qala al-allama shaykh al-Uzaymin fil qawl al-mufid, rahimahullah, wajhu l'istishhad bil-aya, ay al-munasaba. Pourquoi shaykh al-islam il l'a cité huna? Dham. المستعيذين بغير الله والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه وهذا نوع من الشرك. لماذا بعض الناس يستعيذون يدومون بروتكسيون مثلا à certains morts من الأولياء comme ils prétendent. Pourquoi alors que هؤلاء بالحقيقة ils savent très bien que هذا il est mort et il est pas présent. Ils le savent هذا. لكن pourquoi ils leur demandent? لأن القلب le cœur متعلق بهذا الميت. Leur cœur il est accroché à ce mort. فلهذا ils l'ont élevé au niveau de الإله عيدا بالله. بل بعضهم au niveau de الرب. أنه il est capable de faire الآخرة. فلهذا il leur demande. أما on répète si les conditions se réunissent tu demandes à un مخلوق فسيبا من باب نتعلق بقلوبنا بهذا المخلوق لا c'est من باب السبب. أنه vu qu'il est présent il est vivant il est capable fa il nous aide et on a la conviction أن si Allah subhanahu wa ta'ala il veut il nous aidera si Allah il veut pas fa hatta huwa ربما il aura besoin d'aide. C'est ça عقيدة الموحدين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله une précision dans ce verset et il va démontrer sur qui il est descendu le verset et c'est qui هؤلاء الرجال. قال رحمه الله في فتح المجيد في الحقيقة نعم ونبينوتي أن هذا سكلام ابن كثير كأنه سكلام نعم ابن كثير في التفسير الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه إلا غابورتي دون فتح المجيد فكأن الكلام نعم سل ابن كثير رحمه الله. قال أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا كما كانت عادة العرب في جاهل في جاهل في جاهليتها نعم في جاهليتها أي في الجاهلية يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم بالسوء وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمس بواد وخاف على نفسه قال أعوذ بالسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. Vous avez compris. أن في الجاهلية بعض العرب quand ils arrivaient dans un endroit désert ربما في الليل فربما يصيبهم شيء من الخوف أنه peut-être qu'il est tout seul ou ils sont plus, ils sont dans un endroit et ils ont peur de certaines choses. فبعضهم يدمند protection au djinn. Et بعضهم قال وخاف على نفسه قال أعوذ بالسيد هذا الوادي. On demande au سيد de هذا الوادي من الجن أي de nous protéger. هذا c'est du shirk. لماذا ils n'ont pas demandé à Allah سبحانه وتعالى؟ لماذا لأنه هؤلاء c'était des مشركون. أما الموحد il demande à Allah سبحانه وتعالى. فلهذا شيخ الإسلام après avoir cité الآية et ça montre فقهه و التوفيق العظيم من الله سبحانه وتعالى كلا يبغيك هذه الرسالة أن جست après ce verset il a cité حديث خولة قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. ومثل هذا الذكر يحفظ أن من نزل منزلا celui qui arrive dans un endroit que ça soit un wad que ça soit dans une montagne que ça soit dans une maison et il dit أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهذا الآن استعادة بكلام الله عز وجل لم يضره شيء rien ne lui fera de mal. Donc on n'a pas besoin de demander aux djinn. Nos cœurs ils sont accrochés ou on s'accroche à un sabab. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr s'il y a des asbab à faire mashrou'a qu'il les fait ou mubaha. Alihada Cheikh al-Islam il a cité ce hadith pour te montrer en la solution ça arrive hada. Tu peux te retrouver dans un endroit et tu crains que qu'il t'arrive telle chose ou telle chose. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا كَذَلِكَ ça nous montre. وَهَذَا تَسْتَفِيدُهُ فِي دَعْوَتِكَ quand tu fais da'wa. أَنَّا si y a une chose d'interdite, خاصةً بعض الناس ils sont accrochés à ce genre de khurafat et l'akhiré. وَعَدَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ ils ont dépassé les limites. Ils ont peur de tout. أنهم يكروف que chaque chose apporte le mauvais œil. أن chaque chose il y a des شياطين بعض الناس يعيدا بالله لضعف الإيمان والتوحيد تسلط عليهم الشيطان et ils ont peur de tout. فلهذا ils ont besoin de certaines choses. Ils s'accrochent à des مخلوق إلى آخره. فمن باب الفائدة أن quand on interdit مثل هذه الشركيات si tu peux citer une chose à la place من التوحيد فسطيب. فكم من الناس يكونسبا هذا الدعاء. Il est très simple, هذا الذكر, en une phrase. Et comme les gens, ils en ont besoin. Enfin, si tu lui montres, أن هذا الشيء qui demande protection, ce مخلوق, ce djinn, لا ينفع ولا يضر, il peut être utile en rien à qui que ce soit, même pas à lui-même. Et tu lui montres, أن هذا الدعاء, le hadith le صحيح مسلم, أن celui qui le dit, إنشاءالله تعالى, il est préservé, ولا يضره شيء في هذا المكان. Si ce cœur il y a du iman, du tawhid, فلا شك أنه سيفرح إلى acceptera. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص أي عن الحديث أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. أي البدل شيخ الإسلام يتستس حديث pour te montrer أن au lieu de faire du shirk il y a quelque chose qui est beaucoup plus profitable. Tu préserveras ton din. كذلك tu seras protégé بإذن الله عز وجل. Et il a cité هذا الحديث. Ces deux abouab ils sont très simples, très courts. Apprenez-les, révisez-les. Et comme on a le prochain bab, le prochain cours, Inch'Allah, naqra le bab suivant avec le sharh de Shir Sa'di pour les trois chapitres. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. نكتفي بهذا القدر. Et on passe à notre درس suivant.